à tous et on se retrouve pour ce nouvel épisode de septembre à juin qui va réfléchir aux actions dans la classe pour la persévérance scolaire. Et c'est un épisode nantais, en dehors de un Lillois. Et je vais expliquer après la présentation pourquoi c'est un épisode nantais. Donc j'accueille aujourd'hui Diane Aubercuny qui est chef d'établissement et qui était auparavant CPE, Lydia Delaunay qui est enseignante de lettres dans un collège rural. Martial Gavalan, qui est enseignant de physique-chimie en lycée et qui pratique entre autres les classes flexibles et dites inversées. Anne Lematte, qui est EAIPR et déléguée académique à la persévérance scolaire et à l'insertion, auparavant enseignante de SVT, EAIPR SVT, EAIPR EVS. Sylvie Marquet, qui est responsable de la CARDI, enseignante de lettres histoire-géographie. Et Yves Rotter, professeur émérite à l'Université de Lille, fondateur de l'équipe de recherche en didactique Théodile, qui est aujourd'hui intégrée au sein du CIREL, des recherches, ouais, qui fait beaucoup de recherches pardon, sur la pédagogie freinée en milieu défavorisé, sur les expérimentations dans l'éducation nationale, sur les représentations des disciplines, sur les relations entre le vécu des disciplines et le décrochage scolaire, sur l'erreur, et encore plein d'autres choses, mais ce sont plutôt ces sujets-là qui nous concernent. Alors, j'ai tenu à faire cet épisode purement nantais, parce que d'une part, j'ai eu la chance de rencontrer et travailler avec la délégation d'APSI académique à la persévérance scolaire et à l'insertion. Et j'ai beaucoup apprécié le travail pluricatégoriel, que ce soit au niveau des formateurs, au niveau des coordonnateurs. D'autre part, la CARDI de Nantes a cette particularité d'avoir pour responsable une enseignante. Et je trouve que c'est très important en termes de réflexion pédagogique, éducative, didactique. Et en plus, ces deux entités travaillent ensemble et réfléchissent ensemble. Et je suis fervente convaincue de l'important levier d'action que ça a pour la réussite des élèves. Et Yves Rotter réfléchit beaucoup à ce qui se passe dans la classe, alors dans plein d'ouvrages, mais je vais en citer deux parce que je m'appuie beaucoup dessus. Le premier, c'était Vivre les disciplines scolaires, le vécu disciplinaire et décrochage à l'école. Et le tout nouveau, qui vient, enfin j'espère, je ne me trompe pas, c'est bien le tout nouveau, qui est comprendre et combattre l'échec scolaire et qui réfléchit à l'articulation entre pédagogie et didactique. Donc merci à tous d'être là. Et ma toute première question est donc pour ces actions dans la classe, on parle beaucoup de gestes professionnels, de postures, de pratiques. Qu'est-ce que signifient ces termes? Bonne question. Anne Lomat. Bonne question, Emeline. Posture et gestes professionnels ou pratiques professionnelles, c'est pas toujours évident. Non, on parle de ces gestes-là, ces postures-là, mais pas toujours évident de distinguer. À mon sens, hein, la posture et gestes sont associés, vont de pair. On peut avoir, par exemple, un geste professionnel d'accueil des élèves dans une classe, mais qui peut être perçue de manière différente par les élèves ou les jeunes eux-mêmes en fonction de la posture de l'enseignant, selon qu'il soit ouvert, à l'écoute, souriant, ou qu'il soit plutôt fermé, moins souriant ou un peu dans ses pensées. Voilà, la posture peut aussi influer sur ce geste qui va dans le sens d'un accueil à l'entrée en classe, par exemple. Ouais, je veux bien prendre la suite éventuellement. Livre Comment dirais-je? Les gestes, c'est un découpage de l'activité enseignante. Alors, il existe hein, plusieurs cadres théoriques pour découper l'activité de l'enseignant. Bon, il se trouve que là, à l'heure actuelle, pour l'instant, c'est la notion de geste qu'ont particulièrement travaillé Dominique Bucheton ou Anne Jorot, qui est souvent reprise. Donc, premier temps, c'est le découpage de l'activité, hein, et on voit bien qu'on peut la découper de manière très, très différente, cette activité, hein, avec des gestes plus ou moins larges, plus ou moins importants. Et deuxième temps, c'est effectivement regrouper ces gestes en catégories. Ce que fait Dominique Bucheton, par exemple, avec étayage, pilotage, etc., etc. Donc, voilà, c'est une possibilité parmi des tas d'autres, hein, mais encore une fois, souvent en formation d'enseignants en France, on retient surtout geste. Pourquoi pas? Moi, j'aurais tendance à préférer la notion de pratique, hein, qui est aussi très employée, historiquement peut-être plus ancienne, Pourquoi? D'abord parce qu'elle insiste sur l'articulation entre l'individuel et le social. La pratique est toujours inscrite dans une histoire sociale. Ça relie aussi ça à l'ensemble des activités du sujet. En d'autres termes, une pratique n'a de sens que dans l'ensemble des activités, des autres pratiques du sujet, alors que le geste a tendance à isoler. Et de surcroît, la notion de pratique peut aussi relier, du coup, permettre de penser d'un côté ce que fait l'enseignant et de l'autre côté ce que font les élèves. Et puis, autre intérêt pour moi de la notion de pratique, c'est que ça articule individuel et collectif, hein, intra-extrascolaire, et puis les dimensions matérielles, un geste, ça a une dimension matérielle, cognitive et puis symbolique. Alors, ayant dit ça, je vais juste rajouter une ou deux choses. Ce qui m'intéresse aussi et ce qui avait été un peu étudié par Anne Giraud, c'est l'articulation du coup dans les pratiques de trois dimensions. La dimension professionnelle, hein, finalement, qui est commune aux différents enseignants. La dimension pédagogique, et donc sur une même pratique professionnelle ou geste professionnel, si vous voulez, c'est peu important. Il y a une dimension pédagogique qui varie selon le cadre pédagogique dans lequel on se situe. Et puis la dimension disciplinaire, qui fait que effectivement, voilà, si on a à évaluer, on est sur une dimension professionnelle, on ne va pas le faire de la même manière selon qu'on est dans tel ou tel cadre pédagogique, et on ne le fera pas de la même manière selon qu'on est dans telle ou telle discipline. Et donc ça, c'est quelque chose d'important pour mieux comprendre les points communs, les différences, voire à certains moments, certaines incompréhensions entre les élèves, les enseignants, les parents, etc. La notion de posture, alors, posture, c'est, comment dirais-je, c'est une notion qui n'est pas inintéressante. Ça désigne, à mon avis, la manière dont on construit, dont on reconstruit dans les interactions, son positionnement. Et donc, on pourrait dire peut-être que, il y a certes une variété de postures, mais pour l'enseignant qui varie entre quelque chose qui serait de l'ordre du classique, de la magistralité, et de l'imposition, et quelque chose qui serait du côté des pédagogies qui serait un peu différente, et donc qui serait du côté plus de l'accueil et de la construction des possibilités d'apprentissage. Voilà, en ce qui me concerne. Hein, voilà, c'est. Et alors, quels sont, selon vous, les intérêts et les limites de ces notions de pratique, de posture, de gestes professionnels? Sylvie? Oui, moi je voulais revenir peut-être et faire quelques liens par rapport à ce qui vient d'être dit. Anne Giraud, en effet, est pour moi quelqu'un que j'ai pu lire un petit peu sur différents axes. Et ce que j'avais pu en lire, qui m'avait un peu clarifié les choses, c'était déjà entre gestes de métier et gestes professionnels. Donc, dans ce que j'en ai compris, le geste de métier, c'est ce qui serait de l'ordre de l'ensemble du métier du professorat, je vais le dire comme ça, les activités aussi que va faire un professeur, hein, donner une consigne, questionner, évaluer, enfin voilà. Et les gestes professionnels, j'avais vu qu'elle précisait que c'était déjà plutôt de nature plus réflexive. Et que ce que j'aimais bien dans ce que j'avais lu, c'était qu'on était dans l'idée d'aller regarder ces gestes en situation. Et elle parlait donc d'ajustement, d'agencement et de régulation. Donc à partir finalement du travail réel dans la classe. Et elle l'associait à un mot que moi j'associe au service de l'innovation, le dieu ailé, le kairos, pour dire que C'est la capacité, ou alors je ne sais pas si on ne dit pas dire capacité, mais en tout cas, cette possibilité de saisir le bon ajustement, justement, la bonne régulation, etc. Et c'est ce que je trouve justement complexe quand on doit tenter d'accompagner ou de soutenir des pratiques de classe, si on reprend ce terme-là. Et moi, posture, alors j'ai tendance plutôt, alors oui, il y a bien évidemment la référence à Bucheton, mais dans ma représentation, j'ai tendance à l'associer déjà quelque chose de beaucoup plus macro, que le geste serait plus micro. Et dans la posture, il y a quelque chose de l'ordre de l'éthique. Qui pour moi est fort, enfin, et porteuse de valeurs sans doute. J'associe, voilà. Donc j'aurais quelque chose de plus macro autour de la posture, de plus micro si on vient parler des gestes, entre gestes de métier et gestes professionnels. Et tout ça, bah voilà, c'est pas toujours simple d'aller justement s'y retrouver et justement de soutenir les uns et les autres. Et peut-être une réflexion aussi, puisque Monsieur Reuter, vous parliez de pratique, il y a peut-être une discussion qu'on aura sur ce qu'on entend souvent quand on parle de pratique dans plusieurs des acteurs, je dirais, de l'école, c'est les fameuses bonnes pratiques, et qui est peut-être aussi à interroger avec ce qualificatif qu'on place parfois devant ce terme. Voilà quelques petits réflexions à partager avec vous. Juste, ben Alors, je vais laisser la parole à Martial et puis je Martial? répondrai. Il faut que vous mettiez votre micro. On va laisser la parole à Yves Rotter le temps que Pas Martial. maintenant. Ah, Vous c'est bon, m'entendez? vas-y Marcel. Merci. Alors, ben voilà les avantages du geste et vont vite montrer leurs limites d'ailleurs, c'est qu'ils sont innombrables au cours de la pratique. Ils sont rapides, ils sont parfois implicites. Et donc, et pourtant, ils sont sous-entendus pour faire vivre les apprentissages. Comme le disait Yves Rotter, tout est axé quand même pour amener les élèves à apprendre. Et donc, tous ces gestes, malheureusement, comme le dit Pernoud, ça crée notre habitus. Et si je n'étais pas tombé moi aussi sur les lectures, les travaux de Bucheton, Jaureau et bien d'autres, eh bien, même à l'IUFM que j'ai connu, ce mot n'était pas encore très ancré dans les années 90-2000, quoi. Et finalement, on ne s'en rend pas compte professionnel. Et donc, prendre le temps de conscientiser ces gestes, c'est pour moi crucial. Et donc, ça passe certainement par la formation, évidemment enseignante, s'observer et autres, pour mieux prendre conscience de la manière de les faire. Et d'ailleurs, j'oserais dire que pour moi, les gestes professionnels, donc, ils sont impactants, mais ils ont leurs limites si on ne sait pas aussi quelque part, les maîtriser. Et ils sont peut-être juste une variable opératoire de ce que Sylvie Marqueur évoquait, la notion de posture. Ils sont certainement liés aussi à des valeurs. Et quelles valeurs on veut faire vivre aussi dans la classe. Et moi, je m'oriente plus vers cette notion de sécurisation, le geste de sécurisation pour permettre aux élèves de travailler leur estime d'eux-mêmes, leur engagement, justement, leur persévérance pour développer leur propre autonomie. Donc voilà une thématique fort complexe, mais difficile à saisir totalement. Et comme me disait Sylvie, et au final, qu'est-ce que serait le bon geste? Il est associé à une bonne pratique. Voilà. Merci. Yves? Oui, alors, quand j'emploie la notion de pratique, il n'y a aucune référence, bien au contraire, à la notion de bonne pratique. Hein. Je m'inscris là dans une tradition plus sociologisante, Bourdieu, etc. Pour moi, la notion de bonne pratique est plus une nouvelle mouture pour dire recette, et donc ça ne m'intéresse pas particulièrement. Hein. Et donc, sans ça, je suis Martial pour dire que voilà, les gestes, c'est une incarnation des postures, et les gestes, en retour, c'est ce qui construit les postures. Hein. Il y a là une dialectique entre les deux. Alors le problème, je crois, quand même, n'est pas voilà, de dire, bon, est-ce qu'on prend la catégorisation de Bucheton, celle de Giraud, celle de Schtroumpf, la mienne, etc. Ça, ce n'est pas important du tout. Ce qu'il y a d'important, c'est quelle va être la notion qui va me permettre d'éclairer les problèmes que je souhaite traiter, quoi. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête, hein. Un cadre théorique, c'est un outil et ce n'est pas quelque chose qui doit servir à désigner forcément. Hein, voilà, il faut se méfier des habitudes issues de la grammaire classique de ce point de vue. Et Sylvie, tu parlais de valeur, d'éthique et puis de l'adjectif bon qui pose question parce que même s'il n'est pas employé dans le sens bon-mal, il y a quand même ce terme-là. Du coup, quelle valeur vous mettez tous, quelle éthique et même quelle conception de l'élève vous mettez derrière la réflexion sur les gestes professionnels, sur les postures, sur les pratiques? Je veux bien reprendre la parole si je la prends pas trop, mais il y a Sylvie Marquière qui demande la parole, donc je vais lui laisser. Merci. Bah, c'était juste, à travers cette question, moi, j'ai l'impression qu'on pourrait tous se dire la même chose. Enfin, quand j'accompagne des équipes autour de projets innovants, on a l'impression d'être plutôt d'accord sur soi-disant les valeurs qu'on porte, hein, les grandes valeurs de l'école pour la réussite de tous les élèves, l'inclusion. Le respect, la tolérance, enfin voilà, on a. Mais quelque part, après, quand on vient regarder la mise en acte de ces mots, ces grands mots-là, ben, on n'y est plus dans pas mal de cas. Alors, pour avoir beaucoup accompagné les pratiques d'évaluation en classe, les pratiques d'évaluation des élèves, pour les élèves, des apprentissages, pour les apprentissages, on voit bien que là, il y a des disharmonies. Très forte entre ce qu'on se croit faire, croit mettre en action par rapport à voilà. Et ça, c'est un sujet qui moi, m'intéresse beaucoup et me questionne justement sur, quand Montaigne dit entre le dire et le faire, quelle belle harmonie, ben, c'est pas souvent justement qu'on a cette sorte d'alignement clair. Donc voilà, pour moi, c'est plus plutôt que de poser les valeurs qui me semblent soi-disant les mêmes, ben, c'est comment on vient les réinterroger parce qu'elles ne correspondent pas à finalement le geste qui est proposé ensuite dans la classe. Lydie? Oui. Alors, moi, je voulais réagir par rapport à la mise en place des valeurs via les gestes. Moi, j'entends la mise en place des valeurs sur vraiment un long terme. Parce que pour moi, les gestes, ce sont des choses qui sont très ponctuelles, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, une mise en activité, voilà, un étayage. Et c'est vrai que ce qui est important, je pense, à mon sens, dans la mise en place de valeurs en lien beaucoup avec le vivre ensemble notamment, c'est cette relation de confiance qu'on va établir avec les élèves. Enfin, moi, dans ma petite pratique, hein, ça fait que 10 ans que j'enseigne, mais c'est quelque chose qui est extrêmement au cœur de ce que j'essaye de faire au mieux. C'est vraiment d'essayer d'avoir un lien avec les élèves, de les connaître. Et c'est vrai que ça, pour ça, on a besoin de beaucoup de temps avec eux. Et c'est vrai, quand on les voit 1 heure par jour, ça peut être un peu frustrant à ce niveau-là. Mais en même temps, les gestes, je parlais de quelque chose de très ponctuel, mais un geste a toute une importance, je pense, chez les élèves, de la façon dont ils vont le recevoir. Je sais pas si je suis très claire, mais par exemple, le fait d'aller aider un élève à réussir un exercice parce qu'il est en difficulté, à ce moment-là, on va avoir un geste. Ou alors, on va essayer de provoquer chez les autres un geste aussi, entre pairs. Et ça va, j'espère, avoir un effet très positif au sein du vivre ensemble, au sein des élèves entre eux. Et ça va permettre aussi aux élèves de se dire qu'ils peuvent se reposer à la fois sur l'enseignant, mais pas que sur l'enseignant, mais aussi sur leurs camarades. Voilà. Voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce qui vous a amené tous à réfléchir à ce qui se passe dans la classe pour la persévérance scolaire? Que vous soyez enseignant, que vous soyez chef, inspecteur, chercheur, qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir sur les gestes, les pratiques, les postures, tout ce qu'on met en place pour encourager la persévérance dans la classe? Diane? Je pense que on est là au cœur de toute la machine, hein, la classe, la salle de classe. Moi, en tant que chef d'établissement, j'ai fréquemment été confrontée à des équipes qui émettaient le postulat que finalement les solutions à leurs problèmes était en, se trouvait quelque part dans un espace en dehors de la classe. C'est-à-dire que peut-être un individu, un CPE, un chef d'établissement, quelqu'un d'autre, un autre collègue avait probablement une meilleure réponse que celle qu'il pourrait apporter. Et force est de constater en tout cas moi, je pense que ce postulat est faux et que tout ce qui se crée de positif naît des gestes professionnels des enseignants. Je trouve tout à fait intéressant le terme de lien que Lydie a employé, parce que je pense qu'en effet, et moi j'y vois là aussi un axe de valeur, en tout cas l'envie que l'enseignant il a de porter justement ses élèves vers des progrès. Et je pense que cette notion de progression, elle se passe dans la classe, c'est-à-dire que c'est bien de la relation avec l'enseignant et de la relation de l'élève avec ses apprentissages que naissent en fait des progrès. Et donc, c'est bien de mon postulat, en tout cas, que c'est dans la classe que se passe la plupart des choses. Et Lydie le dit très bien aussi, quand peut-être le terme d'inspiration que l'enseignant peut aussi inspirer chez ses élèves, justement, par des postures auxquelles ils vont s'identifier, peut-être pour les reproduire après. Et donc, le vivre ensemble rejaillira aussi à l'extérieur de la classe. Mais moi, voilà, dans mon expérience, je me suis aperçue que le nœud de toutes les choses était au sein de la classe. Anne? Oui, je vais rebondir sur ce que vient de dire Diane. Alors, la persévérance, nous, c'est le choix qu'on a fait justement dans l'Académie de Nantes, hein, de travailler, plutôt que de parler de décrochage, on a fait le choix de parler de persévérance. Alors, on parle souvent de la persévérance des élèves, on attend d'eux des efforts, la capacité de surmonter des difficultés ou de les contourner. On oublie souvent aussi que la persévérance, c'est pas que celle des jeunes ou des élèves, c'est aussi celle des adultes, hein. C'est un petit peu l'objet de notre échange depuis tout à l'heure, hein, sur pratique, posture, gestes professionnels. Alors, le décrochage, c'est quelque chose qui est long aussi à se mettre en place. Il y a des facteurs externes, il y a des facteurs internes à l'école. Alors, je rejoins Diane, puisque les facteurs externes sont présents et on a parfois tendance à prendre plus appui d'ailleurs sur les facteurs externes en disant, bah, moi, je ne peux pas agir dessus, donc il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui s'empare de la problématique de l'élève, puisque c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de prise. Or, on est convaincu, hein, au sein de l'Académie qu'il y a énormément de choses qui se jouent dans la classe et que cette question de persévérance scolaire, d'accrochage scolaire, elle se joue véritablement au sein de la classe et que chacun y a une responsabilité. Notamment les adultes, mais aussi bien sûr les jeunes, mais il n'y a pas que la persévérance des élèves. Mais c'est vrai que souvent, je vous donne la parole juste après, quand on travaille sur la roue du décrochage scolaire en formation, c'est pas une découverte, mais une réflexion des participants. C'est qu'en fait, souvent, au départ, ils partent sur les raisons externes à la classe. Et en fait, dans la roue du décrochage scolaire, on mettra le lien. Il y a beaucoup plus de facteurs internes à la classe de décrochage que de facteurs externes. Je laisse la parole, pardon. Je ne sais pas dans quel ordre, Yves. Je voudrais, avant de répondre à cette question, revenir sur un ou deux points des questions précédentes. Ça, voilà, une chose qu'a dit Martial, hein, il a parlé de sécurisation pour regrouper les gestes. Hein. Et pour moi, en fait, voilà, plus j'avance dans le travail, plus ce qui me semble fondamental, c'est l'articulation entre les pratiques de sécurisation qui sont fondamentales, mais aussi les pratiques de stimulation. J'y reviendrai, c'est l'articulation des deux qui me semble essentielle. Et si on devait regrouper les gestes ou les pratiques, ce serait autour pour moi de ces deux grandes catégories. Je voulais aussi revenir sur la question des valeurs. Pour moi, il y a une valeur fondamentale, c'est l'éducabilité, hein. Voilà, si on ne postule pas l'éducabilité, il y a effectivement, on peut s'arrêter et on peut rentrer chez soi, ou alors on peut laisser beaucoup d'élèves à la porte de l'école. Donc pour moi, s'il y a un principe et une valeur fondamentale, c'est ça. Et après, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il faut regarder concrètement comment ça se passe. Par exemple, on parle beaucoup de respect d'élèves, mais qu'est-ce que ça donne concrètement? Par exemple, je suis quand même frappé de voir qu'il reste souvent dans les classes des remarques un peu ironiques par rapport à tel ou tel élève qui peut constituer une blessure. Mais aussi que finalement, on n'écoute pas particulièrement les élèves ce qu'ils ont à dire. Et c'est la même chose pour les parents d'élèves, on ne les écoute pas, c'est-à-dire, et de surcroît, quand ils viennent de milieux défavorisés. C'est comme s'ils n'avaient rien à dire, effectivement, sur ce qu'ils font pour aider les gamins, ce qu'on pourrait faire pour les aider, etc. Donc, les valeurs de respect, d'écoute, etc., me semblent fondamentales. Et de la même manière, reconnaître chez l'élève qu'il est, comme tout être humain d'ailleurs, il a des besoins fondamentaux d'expression, de création, etc. J'ai bien dit des besoins fondamentaux, ce qui se différencie du discours de l'institution à l'heure actuelle sur les fondamentaux, qui me semble relever d'une absurdité, surtout quand on parle du décrochage scolaire. Parce qu'on s'aperçoit que parmi les leviers d'accrochage, il y a justement ce qui peut concerner le sport, qui est très très important. Ce qui concerne les arts, ce qui concerne la création dans différents domaines, etc. Et puis, il y a une autre chose qui est importante, c'est de concevoir que on construit l'apprenant sur la base de l'élève, sur la base de l'enfant, pardon. C'est-à-dire qu'on considère que le déjà-là de l'enfant est quelque chose d'intéressant. Alors que dans les pratiques les plus classiques, on essaye de construire l'apprenant contre l'enfant, en estimant que son déjà-là est une entrave. Et là, pour moi, il y a une rupture très très forte entre les pratiques pédagogiques ou didactiques classiques, pour le dire vite un peu bêtement, et puis les pratiques pédagogiques et didactiques qui sont orientées différemment. Et j'en viens maintenant à la question sur laquelle vous échangiez, et de manière rapide. Alors, pourquoi s'intéresser à ce qui se passe dans la classe pour la persévérance scolaire? Alors, effectivement, je suis d'accord avec vous. En fait, nous, quand on a travaillé sur le vécu disciplinaire et sa place dans l'accrochage ou le décrochage scolaire, parce qu'quand on a regardé les études qui existaient, on s'est aperçu que la plupart des études étaient centrées sur ce qui précédait l'école. Alors, on va définir des catégories à risque. Je n'ose pas parler de classes dangereuses, comme on parlait à certains moments. Les histoires familiales, c'est très marrant d'ailleurs, les histoires familiales, hein. Les divorces ou les séparations, c'est une catastrophe. On ne voit pas bien pourquoi, mais bon, passons. Ou les problèmes psychologiques de tel ou tel enfant, etc. Donc, ce qui précède l'école ou ce qui suit l'école. Et il y a effectivement des études intéressantes sur les décrocheurs ou les structures de retour à l'école. Mais du coup, on ignore effectivement ce qui se passe dans le présent de la classe, c'est-à-dire les interactions de l'élève avec les pairs, les interactions avec l'équipe éducative, la dynamique à l'œuvre dans les relations avec les contenus. Et je crois que c'est aussi quelque chose d'important, parce que vous l'avez dit, hein, le décrochage se construit dans le temps et de manière irrégulière. En d'autres termes, on s'aperçoit qu'il y a des moments où un élève peut tendanciellement décrocher de manière importante, mais il peut aussi raccrocher, et que ce n'est pas la même chose dans toutes les matières. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, justement. Et je trouve que les moments, par exemple, de conseil de classe ne sont pas des moments où on s'interroge suffisamment sur le fait que les gamins, ben, ils peuvent prendre leur distance dans telle matière alors qu'ils fonctionnent bien dans telle autre matière. Et puis, bon, quand même, il y a un truc, c'est que l'enseignement et les apprentissages s'étant, pour le dire vite, de discipline scolaire, ça occupe la majeure partie du temps scolaire quand même de l'élève. Et donc, sous-estimer là, cette chose-là, c'est quand même problématique. D'autant plus, et ça a été quand même une des grandes conclusions de notre recherche, c'est que le vécu des disciplines est quelque chose de très, très important et de très, très fort chez un certain nombre d'élèves. Alors que ce soit un vécu positif ou un vécu négatif, mais l'important, c'est de repérer les axes sur lesquels se construit le vécu pour s'en servir comme levier, justement, pour aider les apprentissages ou pour essayer de limiter certains aspects négatifs. Voilà. Martial? Oui, moi je voulais parler du mot persévérance qui a remplacé décrochage. Et ce qui m'a plu dans ce mot, c'est cette notion à la fois d'acceptation, d'ailleurs, des deux protagonistes, l'élève et l'enseignant, à identifier déjà qu'il y a une difficulté. Donc l'acceptation que les savoirs ne se livrent pas d'eux-mêmes et qu'il y aura nécessairement des obstacles à franchir. Et donc déjà que les deux parties acceptent que ce n'est pas si simple que cela. Et puis dans cette persévérance, il y a cette notion de continuité. Et nous, par ces gestes rapides, à la seconde, à la minute, à l'heure et sur quelques semaines, eh bien c'est de justement d'assurer cette continuité des gestes pour permettre cette sécurisation par l'explicitation des compétences qui sont travaillées, de sortir de discours qui parfois sont des discours de posture de domination, du type c'est bien, tu as réussi, mais on le sait, ça ne porte pas assez, c'est plutôt qu'as-tu réussi? Donc aller vers tout le travail des compétences depuis quand même quelques années maintenant, qui est mené, aller vers un élève, se décentrer, on n'est plus dans une posture de domination et on lui dit ce qu'il a réussi et ce qu'il reste à réussir. Et ça a un effet psychologique important. Et on voit qu'on est sur le triptyque cité par M. Rotter tout à l'heure, entre le disciplinaire, on ne peut pas nier qu'il y a des difficultés à la discipline, c'est même ce qui en fait peut-être sa beauté. Le geste professionnel que moi je qualifie par évoquer explicitement les compétences acquises et en cours d'acquisition. Et ensuite, la relation pédagogique, s'asseoir auprès d'un élève, annoter son cahier en direct, tous ces marqueurs qui créent une relation de confiance et d'une estime à deux, quoi. Et tout ça se joue en quelques instants, parfois, et pourtant, ça fait continuité. C'est là toute la dichotomie de ces gestes. Qui font aussi l'image d'une relation et qui interfèrent parfois avec le vécu disciplinaire qui peut être lié aussi à la manière dont l'élève a vécu la discipline avec tel ou tel collègue. Voilà, merci. Et alors, vos dernières interventions, enfin les plusieurs dernières interventions, m'amènent deux questions qui sont peut-être liées, vous allez me dire. Sylvie, tu parlais du coup des valeurs plutôt communes, mais finalement que les pratiques ne sont pas forcément exactement en lien. On parlait du principe d'éducabilité, on parlait des structures de retour à l'école, où là, pour le coup, il y a une énorme réflexion sur la posture et les gestes qui pourtant ne sont pas si étendus que ça dans les établissements classiques. Qu'est-ce qui, selon vous, vos observations, fait que on externalise tant que ça la persévérance scolaire et le décrochage scolaire? Je prends pour exemple, par exemple, les référents décrochage scolaire qui, au début, ont été créés pour que ce soit des enseignants, pour que la réflexion soit dans la classe, et finalement qui redeviennent au fur et à mesure des années beaucoup de personnel extra-classe, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire des infirmières, des CPE, voilà. Ou, comme disait Diane, cette attente que la vie scolaire, que le chef d'établissement, que le GPDS, que les DAPSI prennent en charge. Qu'est-ce que vous avez pu observer ou étudier qui pourrait expliquer pourquoi on va vers cette externalisation de la prise en charge du décrochage? Anne a levé la main, je crois. Oui, voilà, je vais Oui, c'est moi, peut-être. je vais pas, vas-y, Anne. Voilà, sur le côté externalisation, alors c'est vrai que les référents décrochage scolaire, nous on les appelle dans l'académie référents persévérance scolaire, parce que ça crée effectivement cette continuité par rapport à ce qu'on se disait juste avant. Nous, dans l'académie, on a à peu près moitié hein, d'enseignants, et puis l'autre moitié, ce sont des CPE. Alors au départ, on avait beaucoup plus de CPE, je te rejoins, Emeline, mais progressivement, on a quand même une augmentation du nombre d'enseignants qui s'emparent du sujet. Après, il y a une vraie difficulté aussi à prendre en charge des élèves, des jeunes. Nous, on les appelle des jeunes parce qu'on va plus largement au-delà du statut d'élève, hein, on est plus dans leur acceptation globale d'individu. Mais on a aussi des jeunes qui, en décrochant, peuvent être relativement discrets, hein, si on reprend la typologie de Janose, mais on a aussi des jeunes qui ont des profils plus compliqués à gérer en classe. Et c'est notamment cela qui pose problème en classe. Donc il y a des enseignants qui se sentent aussi démunis aujourd'hui, puisqu'il y a une très très grande diversité de profils au sein de la classe, hein. Il y a déjà une très grande diversité de profils de décrocheurs qui dépassent la typologie de Janus. Mais voilà, je pense qu'il y a des enseignants aujourd'hui qui sont aussi démunis par rapport à ces jeunes qui décrochent et qui peuvent cumuler plusieurs facteurs hein, de décrochage, tant à externe à l'école qu'interne à l'école. Et il y a une propension, oui, à se dire une personne externe, plus experte que moi, va pouvoir peut-être gérer la situation. Beaucoup un effet magique aussi en disant le jeune il est dehors, il va être pris en charge et tout ira bien. Bon, moi j'y vois quand même, bon, il peut y avoir un besoin de respirer pour le jeune. Ça peut être nécessaire par moment d'avoir ce pas de côté, ce temps de respiration. Il peut y avoir aussi un temps de respiration dans le groupe, ça aussi on l'entend. Nous, le risque, c'est que quand l'externalisation dure trop longtemps, on éloigne cet élève ou ce jeune du groupe classe, et avec un risque d'aggraver finalement le processus de décrochage. Donc, si le pas de côté a lieu, il faut qu'il soit court, qu'il soit accompagné en amont, qu'il soit explicité pourquoi on fait ce pas de côté, cette prise en charge extérieure, et surtout accompagner le retour pour que le raccrochage se fasse de manière le plus fluide possible. Donc, moins le jeune est pris en charge à l'externe, mieux c'est. C'est vraiment le constat que nous avons fait au sein de l'académie. Alors du coup, plongeons dans vos pratiques pour voir justement comment se concrétise cette prise en charge dans la classe, cette réflexion dans la classe. Peut-être on va commencer par un sujet qui revient à tous les épisodes dont vous m'avez tous et toutes parlé, qui apparaît dans les dimensions structurant le vécu disciplinaire dans votre livre, Yves, c'est l'évaluation. Qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi on peut réfléchir ou qu'est-ce qu'on peut impulser quand on est chef ou DAPSI ou responsable de la CARDI par rapport à l'évaluation? Quelles sont les pistes de réflexion pour favoriser la persévérance? Yves? Ça va un peu vite, hein. J'avais levé la main alors. Je Ah, suis pardon, désolé. je viens de l'avoir à l'instant. Sur ce qui était dit sur l'externalisation de la lutte contre le décrochage, hein, je crois qu'il y a le poids des traditions sociologiques et psychologiques, hein, que j'évoquais précédemment, où on considère effectivement que ce sont des facteurs externes et on sous-estime le fonctionnement des disciplines. Je crois aussi qu'il y a le poids des conceptions pédagogiques classiques et du coup des pratiques d'enseignement indifférentes au cheminement différencié des élèves. C'est-à-dire que quand les élèves cheminent de manière différenciée, il y a nombre d'enseignants qui se sentent démunis. Et donc, de manière complémentaire, il y a l'ignorance des pratiques, des pédagogies différentes et des structures de retour à l'école. Et ce qui est très, très frappant, y compris là dans les échanges qu'on a, c'est que sont essentiellement évoquées des relations duelles entre le prof et l'élève. C'est-à-dire qu'on squeeze la dimension de la communauté, de l'école, de l'établissement scolaire, de la classe, etc. Et les relations duelles sont effectivement assez dangereuses et on peut très vite se sentir démuni. Et c'est pour ça que c'est important justement de réfléchir aux pratiques coopératives. Tout ça renvoie, hein, et je vais le dire sans doute un peu brutalement, aux errements des formations initiales et continues des enseignants à l'heure actuelle en France, contrairement à d'autres pays. Et ça n'a pas l'air bien parti pour s'améliorer, hein. Il y a par exemple, si vous voulez, on a beaucoup parlé par exemple par rapport à l'inclusion sur des problèmes psychologiques ou des problèmes physiques, mais quelle formation ont les enseignants par rapport aux élèves issus de la grande pauvreté? Eh bien, quand on en parle, personne ne lève la main pour dire qu'il a reçu la moindre heure, demi-heure, quart d'heure, minute là-dessus. Donc, c'est un problème. Alors, je reviendrai sur l'évaluation après, mais je préfère laisser la parole. Une toute petite question par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez un exemple de formation initiale ou continue qui vous a semblé intéressant dans un autre pays? Parce que vous disiez qu'en France, il y avait des errements. Alors, sur, comment dirais-je, spécifiquement sur la grande pauvreté, pas forcément, mais en revanche, il existe des temps de formation continue qui sont effectivement plus importants en Suisse, au Luxembourg, voire en Allemagne, etc., etc. C'est en Finlande, bien sûr, où il y a aussi des pratiques de co-enseignement, ce qui implique effectivement de la formation continuelle dans le processus d'enseignement, ce qui est quelque chose d'intéressant. Donc, ça existe dans pas mal de pays. Ce dont on s'aperçoit quand même, c'est que quand on lâche un peu là-dessus, effectivement, les résultats suivent, mais pas de la manière qu'on souhaiterait, quoi. Donc voilà. Merci. Sylvie? Par rapport à ce qui s'est dit justement sur l'externalisation, moi je vois des points alors, comme si les professeurs disaient soit on ne sait pas faire. Donc, en effet, on revient à cette question de la formation, hein. On ne sait pas faire parce que le public a beaucoup évolué, patati patata, et donc on la différenciation, la prise en charge d'un public varié est trop complexe quelque part. Donc, finalement, on vaut mieux les enlever que la prendre en charge. Avec ce lien avec, il me semble, dans l'idée de la norme, qu'il y a des programmes à faire, qu'il y a des injonctions par rapport aux examens, et donc qui repose la question des finalités de l'école, et on va revenir à nos valeurs, hein. Pourquoi on est là, hein, qu'est-ce qu'on est censé faire, et là je ne suis pas sûre qu'on partage les mêmes choses. Un autre lien avec les valeurs que je fais, que je perçois souvent dans les équipes qu'on accompagne, c'est que quand on parle justement de différenciation, quand on parle de prise en compte du rythme de l'élève et de son apprentissage, quand on parle d'évaluation justement, y compris évaluation justement différenciée ou pas, on se retrouve toujours avec cette question d'égalité et d'équité. Et on nous ramène toujours cette idée d'égalité. On a du mal à faire passer l'idée que non, c'est l'équité qui devrait être portée. Est-ce que tu peux préciser la différence de ce que... Ben, l'idée de l'équité, c'est bien, on va donner différemment, on va donner autrement à ceux qui ont des besoins particuliers. Tous, on pourrait dire, ont tous des besoins ou, voilà, particuliers. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas fonctionner de la même manière avec les uns et les autres, alors que pour beaucoup, il y a ce principe d'égalité où si... on ne donne pas de la même manière aux uns et aux autres, à l'examen final, si on revient sur cette idée de l'évaluation, eh ben c'est le résultat est faussé, pour faire assez court. Et puis l'autre, je disais, on ne sait pas faire, mais c'est aussi, on n'a pas le temps de faire. Les injonctions, les demandes, ce que chaque professeur est censé faire, la prise en charge de tout un tas de missions aussi autres que la prise en charge de sa classe, dans sa discipline, etc., fait que ça devient un argument aussi assez fort, qui est de dire de toute façon, je n'ai pas le temps. Et en plus, je n'ai toujours pas le temps parce que j'ai un programme à faire, parce qu'il y a des examens qui arrivent, etc., etc. Donc pour moi, ça, c'est des empêchements forts et qui sont d'autant plus présents aujourd'hui avec des injonctions encore et des politiques ministérielles qui ne donnent pas le temps aux uns et aux autres d'être dans de l'accompagnement des élèves et de leurs apprentissages. Yves Retard. Oui, je reviens donc du coup sur la question de l'évaluation, hein, qui est effectivement une question importante et que posent tous les enseignants, hein, à juste titre. Alors là, moi, j'aurais quelques pistes possibles, hein. D'abord, pas se fonder uniquement sur le négatif. Ça ne veut pas dire se fonder uniquement sur le positif, hein. Mais c'est pas uniquement sur le négatif, comme ça existe encore dans un certain nombre d'exercices et dans un certain nombre de pratiques. Quand dans mes cours à la fac, j'avais l'habitude de, par exemple, de donner des dictées d'élèves à mes étudiants et à faire calculer le nombre de mots sur lesquels il y avait des erreurs et le nombre de mots sur lesquels il n'y en avait pas. Et donc, on pouvait s'apercevoir qu'il pouvait y avoir 10% de mots fautifs, entre guillemets, et une note de zéro, alors qu'il y avait 90% de mots réussis. Donc ça, à mon avis, ça pose un problème, hein. Ce n'est pas passer les problèmes sous la table, c'est effectivement réfléchir aux deux aspects. La deuxième piste que j'évoquerai, c'est de permettre les progrès. L'évaluation doit permettre les progrès, à mon avis, hein. Et donc, ça veut dire d'abord essayer d'expliquer où réside le problème de l'élève, hein. Et souvent, s'il remet la copie dans son cartable, c'est parce qu'il n'y a rien qui lui permet de comprendre où se situe le problème. Donc ça, c'est, je crois, quelque chose qui n'est pas simple et qui revient dès qu'on fait des entretiens. Avec les élèves, hein, j'en ai plusieurs centaines derrière ça. Et puis, il y a aussi, comment dirais-je, de leur permettre de faire des progrès en travaillant sur ce qui leur est accessible. Et souvent, quand on regarde un peu les corrections, etc., il y a une multitude de corrections. On ne peut pas progresser sur tout, c'est quelque chose d'impossible. Alors, certes, c'est une fonction pour l'enseignant parce que ça témoigne. Par exemple, auprès des parents d'élèves, de son sérieux, hein, il est celui qui ne laisse pas passer les erreurs. Mais en même temps, ça ne sert pas pour l'élève. Et donc, comment faire en sorte que il puisse progresser? Je vais reprendre un exemple qui est celui de l'orthographe. Hein. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a des gamins en troisième qui sont mauvais en orthographe. Et qu'ils l'étaient déjà à l'école primaire. Et quand on leur demande pourquoi, sur quoi ils sont pas bons, soit ils disent je sais pas, soit ils disent surtout. Et donc on voit pas comment ils peuvent progresser là. Et quand on regarde attentivement, on s'aperçoit qu'il y a deux, trois problèmes clés, pas plus. Et que si on travaille par exemple tout un trimestre sur un des problèmes clés, ils vont progresser. Il n'y a pas de mystère là-dessus, hein. Et donc, le fait de se rendre compte qu'ils peuvent progresser, c'est quelque chose d'important. Mais ça veut dire que l'enseignant s'engage là-dessus. C'est-à-dire, il dit, je te garantis que si tu fais le travail que je te propose, tu vas progresser. Ça fait un peu peur aux enseignants. Bon, voilà. Mais je trouve que c'est quelque chose d'important parce que sans ça, vous avez des gamins qui, voilà, au collège, disent ça sert à rien. Ça sert à rien que je travaille, puisque, voilà, j'aurais toujours les mêmes notes. Je me rappelle d'un gamin qui m'avait dit, mais à quoi ça sert de se battre, puisque c'est perdu d'avance. C'est désespérant hein, qu'au collège, un élève puisse vous dire ça. Et la dernière piste, non, l'avant-dernière piste que j'évoquerai, c'est encourager les risques. Encourager les risques. On ne peut pas, comment dirais-je, progresser si on ne prend pas de risques. Or, on s'aperçoit qu'en France, les élèves hésitent à prendre des risques. C'est ce qui ressort des enquêtes PISA, mais aussi des travaux un peu classiques sur les réécritures de textes. On s'aperçoit que les élèves, quand ils réécrivent, ils prennent des stratégies pour éviter les zones où ils ne sont pas sûrs. À partir de là, il leur est difficile de progresser, ne serait-ce d'ailleurs que parce que l'enseignant ne peut pas savoir là où ils hésitent. Et la dernière chose, et là je m'arrêterai là-dessus, puisqu'on a évoqué à un moment le Kairos, hein, c'est, à mon avis, la meilleure forme d'évaluation, c'est l'attention. C'est l'attention. C'est quand un prof est très attentif. Et dans toutes les pratiques que j'ai observées, là où il me semblait que les résultats étaient les plus intéressants, c'est là où les enseignants étaient le plus précis sur la dynamique des apprentissages des élèves. C'est-à-dire non pas quelle était leur situation familiale, quel était tel truc et tel truc, mais voilà où ils en sont dans leurs apprentissages, où ils bloquent, à quel moment et sur quoi ils se sont débloqués. Et du coup, savoir à quel moment ils peuvent intervenir, à quel moment c'est pas la peine qu'ils interviennent, parce que le gamin n'en est pas là, il pense à autre chose, il a une autre préoccupation. Et donc finalement, pour moi, la meilleure forme d'évaluation, c'est l'attention de l'enseignant à la dynamique des apprentissages des élèves. Voilà, merci. Juste pour rejoindre, après je te passe la parole, Yann, ce que vous disiez, Stéphane Bény, qui est un chercheur et qui est intervenu dans notre épisode, disait aussi que les élèves ne s'engagent que s'ils savent que l'enseignant va pouvoir poser un autre regard sur son prochain travail, ce que vous dites. Et peut-être le Kairos, pour les personnes qui écoutent, au départ, c'était un petit dieu du temps avec Chronos et, j'ai un doute, ça va revenir, qui est le dieu de l'instant à saisir. Et il a une petite mèche sur le front et en fait, il faut l'attraper vite quand il passe. Et du coup, le Kairos, c'est vraiment saisir l'occasion qui passe. Diane, je te laisse la parole. Oui, en fait, je vais reprendre le terme de prise de risque parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Mais là, je détournerai un petit peu l'attention sur la prise de risque des enseignants. Parce que Sylvie évoquait en fait le quotidien hein, de nos collègues, c'est-à-dire qu'effectivement, on est au cœur des injonctions. Effectivement, ils ont beaucoup de choses, beaucoup d'objectifs à poursuivre. En plus, je trouve aujourd'hui quelque chose qui est de plus en plus difficile, c'est que notre école, elle est construite comme l'école des masses. Donc, ils sont dans cette tradition de l'enseignement de masse. Et aujourd'hui, on leur demande d'être attentifs justement à tous et à chacun. Et donc, je pense que ça porte en soi une contradiction, en tout cas une difficulté et une complexité, ça c'est certain. Et de fait, peut-être que la prise de risque dans le changement de posture, elle se situe aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire que si je change, si je modifie ma posture, alors peut-être que je n'arriverai pas à atteindre les objectifs que le système me fixe. Et c'est là où moi, en tout cas, en tant que chef d'établissement, je suis très vigilante et je n'ai de cesse que de répéter aux enseignants de s'autoriser. C'est-à-dire que oui, il y a en effet, on a un objet commun de travail, on le connaît en collège notamment, on sait très bien quel est-il. Mais par contre, personne n'a jamais dit aux enseignants qu'ils n'ont pas le droit de faire ci, de faire cela. En tout cas, l'idée quand même qui sous-tend tout le reste, c'est les progrès des élèves. Et à ce titre-là, moi, je dis toujours aux enseignants qu'à partir du moment où on atteint cet objectif qui est, dans le fond, le seul qui vaille, qui soit essentiel, alors tout est possible en fait, hein, et en matière d'évaluation, si on parle de cela précisément, effectivement, je crois que c'est il y a quelques années, on a essayé de focaliser l'attention des enseignants sur l'explicitation, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui n'est pas très atteint, hein, en tout cas, il me semble qu'on n'a pas encore atteint nos objectifs d'explicitation ni aux élèves ni à leurs familles, hein, de c'est les objectifs qu'on se fixe, qu'on fixe aux élèves, et toute la dimension de l'échelle de progrès. Et de fait, comme en fait c'est flou tout ça, tant pour les élèves que pour leur famille, en effet, si ils n'ont pas conscience du fait que tout sera fait pour qu'ils progressent, alors pourquoi s'engager? De fait, l'affaire est entendue. L'orthographe est un très bon exemple, et dans chaque discipline, on pourrait en trouver. Et voilà. Et donc, je pense que, en tout cas, c'est vraiment autoriser l'enseignant à prendre des risques, de changer de posture pour en effet être extrêmement attentif à ses élèves, peut-être à chacun, pour faire progresser tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est quand même complexe. Et pour les enseignants, s'ils n'ont pas d'autorisation symbolique de quelqu'un qui leur dit allez-y, et si ça ne marche pas, ce n'est pas si grave, dans la mesure où vos élèves, ils progressent. Eh bien, je pense que du coup, de fait, les enseignants, ben voilà, ils ne s'autorisent pas, ils vont rester sur des schémas plus traditionnels. Alors justement, ben je pense que c'est ce dont vous voulez parler, Sylvie et Anne, mais on va revenir après à des pratiques. Mais qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'enseignant, on s'autorise ou en tant que chef, inspecteur, responsable de la CARDI, on peut amener un collègue à s'autoriser et à se dire justement, ben, si ça, on fait une erreur, c'est pas grave. En fait, on est un peu comme les élèves. Si on fait une erreur, c'est pas grave, on va pas perdre le contrôle. Qu'est-ce qui nous amène ça? Alors, Anne? Oui, moi je dirais qu'on travaille avec de l'humain et l'humain, c'est voilà, c'est pas mécanique, hein. Il y a des aléas forcément. On peut avoir prévu dans sa planification de cours quelque chose de tout à fait idéal et puis finalement ça ne marche pas parce qu'il y a un certain nombre de choses qui arrivent, parce que les élèves ils ont des vécus en dehors, parce que dans l'établissement il se passe des choses et que parfois tout ce qu'on prévoit ne fonctionne pas. Important ce que disait Diane, hein, à la fois comme chef d'établissement ou comme inspecteur, d'autoriser justement à expérimenter parce que forcément on a cette dimension humaine vivante, hein, je dirais biologique quasiment, avec rien n'est calculable et le fait d'expérimenter en se disant que dans l'expérimentation il y a forcément le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on essaye. Je reviens à ce que disait Martial tout à l'heure, hein, c'est aussi de se regarder travailler, de revenir sur ce qu'on a fait. Là, j'ai essayé quelque chose, j'avais une hypothèse de travail, je l'ai testée, j'analyse ma pratique, je me rends compte que finalement, ça, je n'ai pas atteint les objectifs que je m'étais assignés. Comment je peux remodifier, réguler, revenir. Mais je crois que c'est essentiel, hein, d'autoriser les enseignants. Souvent, ils nous demandent, mais vous pensez que j'ai le droit? C'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment. Vous pensez que j'ai le droit? Et je trouve ça frappant parce qu'on est face à des cadres A, voilà, des collègues qui sont aussi d'un niveau de l'ingénierie finalement et qui sont souvent sur ces questionnements. Est-ce que j'ai le droit? Ben, vous avez le droit dans la mesure où l'objectif, c'est bien d'accompagner au maximum l'ensemble des élèves vers l'optimum, hein, de ce qu'ils pourront faire. Hein. Et je reviens sur ce que Yves Reuter disait tout à l'heure sur le principe d'éducabilité qui est pour moi inscrit déjà dans le code de l'éducation et qui est fondamental. Sylvie? Bah, pour poursuivre sur cette idée de d'oser, c'est le cœur à la CARDI, en principe d'accompagner ceux qui tentent d'oser des pas de côté. Nous, ce qu'on perçoit en effet, c'est quand même le poids de l'institution. Et alors, quand je dis institution, c'est bizarre parce que bah, j'en fais partie, donc a priori, voilà, moi aussi. Mais malgré tout, d'acteurs comme les chefs d'établissement et les inspecteurs. Comme un poids qui va pencher d'un côté ou de l'autre. Et les professeurs ont véritablement besoin d'entendre le plus possible que les chefs d'établissement, que les inspecteurs leur disent qu'ils peuvent en effet, je dirais presque le droit à la désobéissance de ce qui... Voilà, ils sont dans une normativité impressionnante. Alors sur les pratiques d'évaluation... encore plus, et je refais le lien avec la pensée que j'avais tout à l'heure, hein, les examens sont le fil qu'ils poursuivent. Et donc, les situations d'évaluation sont toujours les mêmes ou très souvent les mêmes, et elles sont collées à la forme demandée à l'examen. Alors qu'il y a tout un tas de champs possibles pour aller observer et regarder les apprentissages des élèves, mais faut-il encore, en effet, qu'on leur dise que c'est possible et comment on articule tous ces moments d'évaluation qui sont au service de la construction de l'apprentissage et ce qui va être de l'ordre de l'évaluation après et de ce qui va pouvoir être demandé à l'examen. Donc pour moi, il y a vraiment, on doit continuer, hein, on doit poursuivre. À autoriser les collègues à vraiment tenter, expérimenter, tester. Et peut-être qu'une des voies, c'est quand même le collectif. C'est difficile pour un enseignant seul de s'autoriser ça. Et dès qu'on peut être dans un collectif de pratique, quel qu'il soit, il y a des organisations variées dans les établissements, hein. Je pense au café partage qui peut être mis dans l'établissement de Martial ou dans d'autres. Je pense à l'accompagnement qu'on peut faire, nous, en tant que CARDI, sur des projets innovants. On est bien sûr essayer de justement se faire se parler les gens entre eux, qui puissent mutualiser et exprimer leurs pratiques. Et on sait que sur l'évaluation, Anne Jorot nous l'a dit, hein, l'évaluation, c'est beaucoup parler, mais c'est caché. On n'arrête pas de parler d'évaluation, hein. Dans la salle des profs, on ne parle que de ça, mais sur les pratiques d'évaluation et donc les gestes professionnels qui sont dans ces, autour de ça, elles sont très peu partagées ou pas suffisamment. Donc là encore, je pense que les chefs d'établissement ont toute leur place pour impulser en effet des collectifs qui puissent permettre un travail où on va oser expérimenter des choses. Alors juste avant de passer la parole à Martial, justement, c'est ce que vous me disiez, Diane et toi, c'est que vous aviez travaillé ensemble pendant des conseils pédagogiques dans l'établissement de Diane, justement, pour faire avancer les sujets. Parler de collectif, c'est pour ça. Du coup, comment est-ce qu'on pouvait juste dire, ou Diane ou Sylvie, ou toutes les deux, comment ça s'était organisé, ce travail, cette réflexion collective, pour amener les collègues à s'autoriser, à réfléchir? Diane, là-dessus, ouais, peut-être que c'était par rapport, parce que j'avais échangé avec Emeline sur le travail qui avait été fait autour du co-enseignement dans un des collèges dans lequel tu étais chef d'établissement et pour faire grandir déjà ces petits collectifs qui avaient travaillé sur du co-enseignement. L'idée avait été en effet que l'accompagnement aidait les professeurs à montrer ce qu'ils avaient commencé à faire. En conseil pédagogique, donc utiliser aussi une instance pour venir un petit peu raconter, eh ben, on est quelques-uns à tester ça, à essayer ça, donner aussi justement, comme pour les élèves, hein, finalement, valoriser ces progrès-là, donner à voir les progrès, comment ces tests-là ont pu permettre certains changements au service des élèves, bien évidemment, pour donner aussi envie à d'autres collègues de se dire, bah tiens, il y a peut-être des pistes à explorer encore ensemble, encore à un plus grand nombre pour avancer au service des élèves encore une fois. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que j'appelle aussi l'inspiration. Hein. C'est sûr que. Et je trouve que le conseil pédagogique, en tout cas, moi, je l'ai toujours imaginé comme ça, que ce soit du conseil pédagogique d'ailleurs d'établissement ou même intercycle, hein, comme le CEC, en fait. Hein. Moi, j'ai toujours eu à cœur d'en faire un espace aussi collaboratif. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs temps, dont un temps de partage, en fait, justement, de toutes les petites expérimentations mises en place dans la classe. Et donc, là, le co-enseignement et la co-intervention, hein, effectivement, qui était expérimentée et évaluée et accompagnée dans l'établissement. Mais ça peut être justement les pratiques d'évaluation, ça peut être l'enseignant qui teste le fait de changer sa posture physique dans la classe, c'est-à-dire s'éloigner de plus en plus du tableau. Ça peut être le travail sur l'autonomie. Enfin, voilà. Et systématiquement, donc, je demandais à un enseignant au préalable, hein, avant le conseil pédagogique, de réfléchir à telle ou telle pratique dont j'avais eu connaissance, dont on avait échangé ensemble, et de la présenter à ses collègues. Et effectivement, ça avait un effet très intéressant et stimulant, hein, j'ai envie de dire, d'émulation. Et les enseignants, ils étaient toujours très attentifs et très très désireux hein, de continuer là-dessus. Et il y a des pratiques assez ouvertes d'observation mutuelle qui sont toujours à l'œuvre hein, dans cet établissement. Et je trouve qu'en effet, et c'est pas grand-chose dans le fond, hein, c'est pas une énorme pratique de chef d'établissement, mais c'est juste donner l'occasion, autoriser et surtout dire dans ces moments-là que. Il y a des limites. Bien sûr, on n'est pas toujours dans la recherche du geste parfait, de la pratique génialissime et bonne. Hein, voilà. Mais ce qui est génial, c'est d'avancer et de partager cela les uns avec les autres. En effet, je pense que c'est extrêmement pertinent. Oui, de créer du collectif, du coup, et dans ton établissement, et du collectif établissement Cardi. Martial? Mais je rejoins les propos, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un double axe, l'axe vertical. Oui, chacun d'entre nous a besoin d'être reconnu. Et donc, un jour, comme ça a été mon cas en 2002, entendre, bon, effectivement, monsieur Gavalan, vous ne suivez pas complètement les objectifs du BO de la colonne de droite, mais vous formez plutôt bien. Bien sûr, cette personne ne l'a pas écrit dans le rapport, mais elle m'a dit à la fin, allez-y, continuez à former. Bon, c'est une ouverture, énorme. Et ça brise le sceau qui nous tient tous, les enseignants, c'est de finir ce programme. Donc on a cette chape de plomb qu'on se met soi-même, avec on est sous le sceau de la conformité, quoi. Donc là, la hiérarchie, ça fait du bien de l'entendre explicitement nous parler dans un bureau de ce qu'on peut vraiment s'autoriser à faire. Et quand on en est là, ben on peut enfin développer l'axe horizontal de la collégialité. Comme vous l'avez cité, café partage, des petites formations en fin d'année au sein même de l'établissement. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a donné comme rôle d'aller vers les collègues. Je ne suis pas un super prof. Justement, c'est aussi un point important, c'est se donner aux autres, se donner aux autres pour leur permettre à leur tour de s'exposer. Et comme vous le disiez, quand on interroge les collègues, ils ont l'impression que ce qu'ils font est totalement anodin. Et c'est pourtant en le formalisant auprès des autres qu'ils vont se rendre compte que, ah, ben finalement, c'est pas si mal que ça. Et chacun vient butiner un peu dans les pratiques des autres, sans jugement, chacun en prend ce qu'il veut, et puis on laisse mûrir ça, et puis on en reparle d'ailleurs un an plus tard. Et je demande souvent à des bébés, on va dire, des bébés collègues ayant vu la pratique, s'ils l'ont mise à leur tour en place, qu'est-ce que ça leur a apporté, tout ça. Voilà, donc c'est toute cette forme d'autorisation qu'il faut générer et sortir de cette culpabilité parfois qui pèse un peu ou qu'on se met soi-même sur la tête, quoi. Voilà. Merci, Yves. Oui, alors, il existe différents collectifs de pratique au sein des établissements, mais en dehors, il y a tous les mouvements, les associations pédagogiques, didactiques, etc., qui sont quand même assez intéressants. Alors, sur ça, j'étais presque d'accord avec vous à un bémol près, qui est que depuis quelques années, le discours du ministère n'est pas un discours de confiance. Au contraire, c'est pas un discours d'autorisation, c'est un discours d'imposition. Et là, les dernières mesures autour du choc des savoirs sont quand même clairement ça. C'est pas on vous fait confiance, vous faites des trucs intelligents, c'est on ne vous fait pas confiance, on va vous indiquer quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Même chose pour la lecture, etc., etc. Donc, je trouve qu'effectivement, c'est une période particulièrement compliquée pour les enseignants et où le ministère oublie effectivement ce qui était dit au début. C'est que les enseignants sont des fonctionnaires de la catégorie A. Et donc, ça, il faudrait peut-être y revenir un moment. Et c'est, à mon avis, une des choses qui rend le travail des enseignants difficile, et c'est une des raisons qui est avancée par les enseignants qui quittent l'enseignement. Et voilà, et c'est quelque chose d'un peu regrettable. Donc, voilà ce que je voulais dire avant que votre blog soit définitivement interdit. Alors, du coup, je me limite, mais si on pourrait y répondre des heures, à deux dernières questions. La première, c'est que j'aurais aimé revenir sur deux initiatives, une de Martial, une de Lydie, qui se rejoignent directement, c'est qu'ils ont réfléchi tous les deux justement au collectif et à faire travailler les élèves ensemble en réfléchissant à l'espace. Alors, peut-être un espace plus symbolique, Martial, tu me corrigeras, par rapport à la classe inversée et le co-enseignement. et Lydie avec une réflexion et une modification complète de l'espace de la classe en partant de la réflexion sur le travail des élèves. Alors, je veux bien que vous développiez chacun. Je ne sais pas qui veut commencer votre expérience. Vas-y, Lydie. Je veux bien commencer. Alors moi, j'ai débuté une réflexion il y a, depuis 2018 autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la classe flexible que j'ai découverte à ce moment-là, en fait, finalement, à travers notamment des témoignages d'enseignants du premier degré et aussi d'enseignants d'Amérique du Nord, beaucoup. D'où ça m'est venu? Ça m'est venu de cette expérience du quart d'heure de lecture qui a été démocratisée dans beaucoup d'établissements pendant un temps et pendant lequel, en fait, on se retrouvait avec des élèves. Enfin, en tout cas, dans mon établissement, c'est comme ça que ça se passait. Il y avait une sonnerie qui marquait le début du quart d'heure, la sonnerie qui marquait la fin du quart d'heure de lecture. Et on était tous assis droits sur notre chaise en train de lire un livre de manière assez arbitraire. Donc, en tant qu'enseignante de lettres, évidemment, favoriser la lecture, ça me semble être quelque chose d'essentiel dans la vie de n'importe quel citoyen, donc de n'importe quel élève. Mais le problème de la posture m'embêtait un peu. Je trouvais ça assez rigide, assez figé. Et donc, je suis vraiment partie de ce côté rigide de la salle de classe dans laquelle j'évoluais et qui ne me convenait pas, ce qui a été accentué par l'effet Covid aussi qui a suivi 2 ans plus tard. Voilà, où on s'est retrouvés avec nos masques et nous randonnions dans les salles de classe. Et là, je me suis dit, plus jamais ça. Voilà, les élèves étaient tout sauf sécurisés à ce moment-là d'ailleurs. Et je me suis dit, voilà, à un moment donné, qu'est-ce que moi j'ai envie de, donc dans ma posture d'amener dans la classe, c'est ce sentiment à la fois de liberté et de sécurité pour les élèves, dans le sens où j'ai voulu créer des zones de travail identifiées et en même temps j'ai voulu laisser la possibilité aux élèves de choisir leur posture d'apprentissage, qu'elle soit physique, tout comme ça, enfin, ou dans leur démarche d'apprentissage, ou leur rythme même. Ça, c'est dans l'idéal, évidemment, parce que là, je suis encore dans la réflexion. Sont apparus dans la salle que j'occupe actuellement de nouvelles assises, de nouveaux outils, qu'ils soient numériques ou enfin ou simplement qu'ils servent de rangement ou d'organisation spatiale, voilà. Et tout ça, je trouve quand même, même si j'ai pas forcément encore évalué l'évolution du projet de classe flexible, je trouve quand même que quand un élève rentre dans une salle de classe de ce type-là, où on a un champ des possibles qui est extrêmement ouvert par rapport à avant, j'ai l'impression que ils ont envie d'adhérer au cours. Voilà, qu'ils arrivent, qu'ils ont envie d'être là, qu'ils sont heureux d'être là, qu'ils se sentent bien, parce qu'ils peuvent choisir de se mettre à un endroit qui va leur convenir, parce qu'ils ont besoin d'un peu plus bouger, par exemple, ou parce qu'à un moment donné, ils auront besoin de s'isoler et donc ils vont mettre un casque anti-bruit, voilà, ce genre de choses. Vraiment, les outils sont très divers. Voilà, et ce projet-là de classe flexible, je l'ai partagé avec des collègues, il est suivi par la CARDI depuis 2 ans maintenant. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'échanges entre pairs. Et moi, je trouve que le projet est de plus en plus riche depuis que je partage avec mes collègues de mathématiques, ma collègue CPE, collègue d'anglais, les pratiques qu'on veut essayer de mettre en place et cette émancipation qu'on a aussi de tout ce que nous impose effectivement l'institution, les programmes, les examens de fin d'année, éventuellement parfois même les parents qui sont assez anxieux par rapport à la réussite de leurs enfants en termes d'examen, par exemple du brevet des collèges, ce genre de choses. Et en fait, finalement, on a, enfin, on, ouais, on arrive à avoir de plus en plus, je trouve, cette liberté, cette opportunité de faire en fonction de qui nous sommes, nous, en tant que personne aussi, puisque c'est un travail humain, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi en fonction du public qu'on va avoir. Et de cette grande diversité des élèves qui sont face à nous. Et ça, c'est une grande richesse. Le fait de se dire, ici, dans cette salle ou dans cet établissement plus largement, parce que c'est quand même ce qui tend, ce à quoi on tend, nous, où j'enseigne, tout est possible. Enfin, on essaye de faire en sorte que tout soit possible dans le meilleur des cas, pour que chaque élève, en tout cas le plus grand nombre, puisse se dire, à un moment donné, ici, j'ai appris quelque chose, je ressors enrichi, de cette heure de cours ou de mon année scolaire. J'aurais peut-être pas forcément un 50 sur 50 au brevet des collèges en français, par exemple, mais j'ai appris quelque chose, je me sors grandi de mes années collège, et c'est ça qui compte le plus, en fait, qu'avoir 10 sur 10 à sa dictée, effectivement. Est-ce Voilà. que tu viens juste nous parler des zones que tu as créées dans ta classe et qui, du coup, si j'ai bien suivi quand on a échangé, ont eu une influence sur la future salle d'études de ta collègue CPE? Oui, voilà. Alors, moi, c'est vrai que j'ai essayé de mettre en place des zones qui, finalement, parfois sont figées et un petit peu moins pour d'autres, notamment la zone, il y a un coin lecture, en fait, où on a un certain nombre d'ouvrages que les élèves peuvent emprunter. Sachant que moi, ma salle de classe, je l'ouvre régulièrement sur le couloir. J'ai aussi une réserve attenante. Et je me permets de l'utiliser, même si je n'en ai pas toujours le droit, mais je trouve que ce sont des espaces que les élèves ont le droit de s'approprier. Donc il y a des zones, il y a une zone ressource qui peut être ambulante d'ailleurs, parce que c'est une zone ressource sur une espèce de desserte justement qui roule. Donc ça, c'est assez pratique parce que les choses, elles peuvent bouger aussi en fonction de la classe. D'ailleurs, parfois les élèves, quand ils rentrent en classe, ils bougent les tables d'eux-mêmes. Parce qu'ils se créent aussi leur petit groupe de travail, enfin voilà, ça, selon les situations qu'on va mettre en place. Et puis il y a des zones un peu plus figées parce que c'est du pratico-pratique, mais il y a une zone créative aussi. Dans cette zone-là, je vais leur proposer des situations d'écriture assez variées, assez libres, à partir d'outils que je leur mets à disposition. Enfin voilà. Donc voilà ce que sont les zones à proprement parler. Il y a aussi une zone ressource qui est plus figée en termes des maîtrises de la langue, avec des ateliers. Dont on peut se servir. Il y a aussi des jeux éducatifs. Enfin, voilà, il y a des choses. Et j'ai un outil qui est pour le coup très très intéressant. C'est la balado-diffusion que je découvre depuis cette année pour tout ce qui est écoute de livres audio ou par exemple on parlait de la dictée tout à l'heure, qui est un exercice auquel ben, on est quand même obligé un petit peu de les entraîner malgré tout, même s'il n'y a pas que ça non plus dans la vie d'une enseignante de lettres. Et ça permet quand même à chaque élève d'avoir son MP4 et de s'entraîner au rythme qu'il aura choisi, voilà, pour progresser, vraiment aller à son rythme, prendre le temps de se relire, parce que finalement, dans la vie de tous les jours, on n'a pas juste 20 minutes forcément pour relire un texte, une lettre de motivation ou un rapport qu'on doit rendre à son patron, par exemple, à son supérieur. Voilà, voilà pour ça. Merci. Martial? Alors, je partirai sur un tout autre exemple, c'est celui de ce que j'appelle l'évaluation formative informative. C'est-à-dire que j'ai fait sécession sur certains principes, c'est de dire un devoir, une note. C'est bien, et je le fais aussi en lycée. Mais ce devoir, en fait, eh bien, ils peuvent le rendre plusieurs fois avant la note. Donc, en fait, il n'y aura qu'une seule note. Il y aura bien une deadline pour toutes et tous. Mais ils ont. Ils peuvent me rendre le travail intermédiaire plusieurs fois. Et c'est un jeu de guider sans dévoiler. C'est-à-dire de dire ce qui peut être encore amélioré, ce qui est déjà bien et ce qui peut encore être progressé. Et ça, je le fais depuis pas mal d'années maintenant. C'est une pratique facile à mettre en œuvre, qui peut être parfois un peu chronophage, mais qui fait sécession avec cette idée qu'il faut noter au même moment tous les élèves. Les élèves se l'approprient. J'ai un taux d'environ 40 à 50% de pratiquants, c'est-à-dire ceux qui vont rendre deux fois, trois fois, quatre fois. Et je trouve que ça rentre pleinement dans ce cadre de les sécuriser, de redonner confiance, et notamment, excusez du terme, des fois des besogneux, de ceux qui s'accrochent justement, qui veulent persévérer. Et parfois, les très bons élèves scolairement, pourrait-on dire, eh bien, peuvent aussi participer. De toute façon, c'est eux qui décident. Je n'impose pas. C'est une grande question que je me pose d'ailleurs. Dois-je imposer cette forme de modalité de travail avec eux? Pour l'instant, je suis sous le sceau du choix par l'élève. Ils le vivent bien. Et ça se passe bien. Et j'incorpore même parfois au sein de ce système, qui peut durer sur 3 semaines, un mois, car il faut donner du temps. Et il est bien là aussi le problème dans le système, c'est qu'on ne donne pas assez de temps pour tout ça. Eh bien, des temps de pause en classe qui, mais au fait, où en est-on dans votre travail? Et je pratique ce que l'on peut appeler peut-être l'évaluation formatrice, car on n'est pas loin de la deadline, et ça veut dire, mais au fait, que vais-je noter réellement dans votre travail? Donc, c'est de refaire un point avec eux sur les attendus, certainement, que l'enseignant a. C'est un jeu, vous voyez, de cache-cache que peu à peu je dévoile. Et bien sûr, en montant la grille d'évaluation attendue avec les indicateurs, ça les aide à construire leur production finale. Elle est parfois déjà bien engagée pour certains, alors que d'autres vont la réaliser, comme on le sait toutes et tous, c'est comme la fiche des impôts, on attend le dernier moment pour la faire, alors que d'autres l'ont déjà bien anticipé. Voilà une belle expérience que je pratique à toutes mes classes, et je me dis, pas tout le temps, bien sûr, et j'en parlais encore aux collègues hier, et si chacun en faisait, et si chacun en faisait un petit peu, eh bien nous donnons comme ça une pluralité de pratiques, mais en même temps une cohérence qui fait système et qui fait éducation, j'espère. Voilà. Et alors, ma dernière question, on en a déjà parlé à plein de moments différents, c'est la question du temps qui est assez paradoxale. Enfin, le temps, c'est extrêmement contraint. Hein. On a les années, on a les séquences, on a les heures, enfin les 50 minutes. Et en même temps, on a tous besoin de temps, les enseignants, vous l'avez dit, toutes les personnes qui travaillent pour la persévérance, les élèves ont besoin de temps. Donc, comment est-ce que vous vous organisez pour. C'est un peu bizarre comme question, mais pour donner du temps dans ce temps contraint, que vous soyez dans l'accompagnement des enseignants, que vous soyez enseignant ou chercheur, voilà. Comment on peut faire pour développer ce temps-là nécessaire à la persévérance de... Vaste question, je sais. Martial? Juste en un mot, on se met à nouveau la pression, les enseignants. On est obsédé par le cycle annuel, comme si notre métier n'était qu'une répétition d'année après année. Et c'est encore sortir de cette idée, peut-être qu'on a échoué à un moment donné ou qu'on a vu des points à améliorer, mais c'est peut-être ça, c'est ça le métier. C'est prendre le temps un peu plus tard d'en reparler pour progresser, certes avec d'autres élèves, mais... Il faut faire le deuil de la réussite permanente à chaque heure, quoi. Et c'est un mot qu'on n'entend pas assez, faire le deuil de dans notre métier, quoi. Voilà. Moi, je tente de briser le cycle annuel de la répétabilité qui ferait qu'on ne peut jamais progresser, quoi. Voilà. Sylvie? Bah, quand je pense temps, moi, je vais dire un autre mot qui a été dit et qui me semble très important justement cet après-midi, c'est faire des choix. Je pense, voilà, et avec cette difficulté aujourd'hui, hein, des nombreuses injonctions qui font que ça rend encore plus difficile cette idée-là, mais presque l'obligation de faire des choix. Donc, que ce soit dans l'accompagnement que nous, on peut opérer, hein, on ne va pas accompagner toutes les demandes. Que ce soit les professeurs, quand ils accompagnent leurs élèves, il va falloir aussi qu'ils fassent des choix, ce sur quoi ils veulent particulièrement donner de l'énergie, s'engager et les faire s'engager. Et dans l'idée du choix, moi, je veux juste boucler par rapport à des choses que j'ai trouvées vraiment importantes. Les élèves ont rarement le choix. On a parlé de confiance, on a parlé. Voilà. Pour moi, là, il y a quelque chose, un fil fondamental. C'est cette autorisation-là. On a parlé d'autorisation pour les professionnels, mais comment on autorise les élèves à décider aussi? On parle beaucoup finalement de devoirs et très peu de droits. Ils ont très peu le droit à la parole, très peu le droit au déplacement. Et là, on va retrouver un autre terme qu'on a partagé, hein, c'est cette norme, cette conformité. Moi, j'aime bien l'idée de la désobéissance, hein. Il faut absolument aussi autoriser les élèves à ne pas être silencieux. S'ils sont silencieux, ils ne peuvent pas partager, il ne peut pas y avoir d'interaction, il ne peut pas y avoir de pratique d'oral pour voir justement comment leur pensée se construit, qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter, etc. Enfin, voilà, il y aura tout un... des possibles à raconter là-dessus, mais pour moi, vraiment, oui, c'est l'idée de la persévérance, elle va pour moi à un moment donné, comment on laisse ses élèves être des élèves en train d'apprendre et de ne pas en fabriquer des objets identiques quelque part. Évidemment qu'on va les perdre, ceux qui n'ont pas envie d'être justement dans ce copier-coller. Merci, Diane. Oui, je reprends juste le cours de ce que Sylvie vient de dire pour le prolonger. Justement, je pense qu'aujourd'hui, la question de la persévérance en classe, elle se joue beaucoup sur la différence entre l'élève actif et l'élève acteur. Et moi, j'ai une espèce d'impression aujourd'hui que les enseignants, en fait, ont eu quand même pour consigne de mettre au travail leurs élèves sur des projets, sur des choses à faire. Et que, en fait, on n'en fait pas forcément des élèves acteurs. Parce que les choses qu'ils font, ce n'est pas des choses qu'ils ont choisies, mais en plus, parfois, ce n'est pas des choses qui les font penser. Et c'est un vrai problème, hein. Je mesure aujourd'hui, moi, de façon très criante, dans nos classes, il y a beaucoup d'élèves extrêmement passifs, intellectuellement, hein, j'entends. Ils peuvent tout à fait faire des choses, ça c'est sûr, et d'ailleurs, ils aiment bien faire des choses. Mais une espèce de petite allergie à la pensée qui est en train de s'installer tout doucement. Et je pense que, en tout cas, j'émets l'hypothèse que les rendre acteurs, c'est ça le cœur de la lutte contre la passivité mentale et le décrochage. C'est-à-dire que, justement, comment on les implique? Comment on leur laisse une place dans la classe? Et de fait, forcément, on reboucle avec les postures enseignantes parce que si l'enseignant occupe tout l'espace, que reste-t-il à l'élève? Et moi, j'en discutais très récemment avec des enseignants. Je leur disais, voilà, vos élèves, voilà, vous les trouvez passifs, vous les trouvez peu engagés. Et je ne peux que vous croire, parce que vous êtes avec eux. Mais quelle place ont-ils dans tous les projets qui sont menés aujourd'hui? Alors, j'essaie de ne pas être critique, enfin, que l'enseignant ne se sente pas critiqué dans lui-même, mais plutôt essayer d'éveiller son questionnement autour de la place de ses élèves dans le cœur de la machine qui est la classe. Qu'est-ce qu'on leur donne comme choix? Qu'est-ce qu'on leur laisse dire? L'expression, justement, elle est très cadrée hein, dans les classes. Hein. C'est ça, hein, la C'est la norme, question. la masse, c'est terrible. Et donc, du coup, effectivement, c'est toute la question. Comment on passe de l'élève actif, et encore, à l'élève acteur? Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, au sein des classes, c'était un des éléments, moi, d'observation de cette lutte contre le décrochage, hein, parce qu'en fait, on a quand même beaucoup, beaucoup d'élèves passifs, hein, intellectuellement, j'entends, en collège, hein, je ne peux pas appliquer cela au lycée parce que je pense que des choix ont été opérés au lycée qui n'existent pas au collège, mais c'est quand même quelque chose de lourd aujourd'hui au collège, et c'est pour ça qu'on dit nos élèves ne sont pas en réussite, etc. Il faut changer des choses, probablement que c'est vrai, mais il y a cette question quand même de la place de l'élève au cœur de la classe qui, à mon avis, doit être posée et questionnée avec les enseignants. Merci, Yves. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis assez d'accord. Un des problèmes étant que souvent, dans les fonctionnements classiques, on fonctionne sur un temps moyen. Et le temps moyen, n'est pas le temps des élèves rapides, qui du coup vont s'ennuyer, ou des élèves lents pour qui ça va trop vite. Et donc la question, c'est effectivement comment, gérer, ce temps et le rythme de chacun. Et quand on dit ça, du coup, deuxième problème, comment articuler temps individuel et temps collectif? Donc ça, c'est un vrai problème intéressant. Je crois aussi qu'il faut sortir de l'idée que le temps est une unité mécanique. Et j'étais sensible, effectivement, à ce que disait Martial, c'est-à-dire qu'il faut sans doute privilégier le temps des apprentissages à celui de finir le programme. Où on s'aperçoit que finalement, le prof a peut-être fini le programme, mais il est le seul à l'avoir fini, quoi. Ce qui est quand même un problème, quoi. Il a évoqué, je suis d'accord avec lui, le temps des essais, le temps des révisions, et j'ajouterais le temps de finir. Moi, je suis frappé par le fait que dans un certain nombre de cas, des enseignants puissent donner un travail, tant qu'ils donnent un travail. C'est qu'ils estiment que le travail est important. Mais à un certain moment, ils vont dire, bon, allez, on passe à autre chose, etc. Et il y en a qui n'ont pas eu le temps de finir. Donc, on se demande quel est le sens. Et j'ajouterai une dernière chose. Je crois que cette question du temps n'est pas traitable en dehors du rapport aux tâches, aux activités, etc. Et je crois que de ce point de vue-là, la motivation est quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça, moi, je suis très sensible au travail, au projet, par exemple. Projet au sens de la pédagogie de projet, hein, et pas de la tarte à la crème de l'éducation nationale. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les élèves s'engagent et qu'ils sont de véritables acteurs de ces projets. Parce que à chaque fois que j'ai pu observer ça, que ce soit primaire, collège, voire lycée, on s'aperçoit qu'on a des élèves qui peuvent rentrer en classe avant qu'on leur ait dit de monter en classe, qui travaillent bien après, qui en font plus, etc. Donc, si vous voulez, cette question du temps, à mon avis, est liée à l'investissement et à la manière dont la tâche est construite, et elle est construite avec les élèves, quoi. Et ça me semble quelque chose d'important. Parce qu'on a vraiment une différence entre voilà, les classes qui rechignent à monter, et puis d'autres où on voit les gamins qui vont, des gamins qui font des trucs chez eux bien plus qu'on leur a demandé. Et donc voilà, c'est pour ça que cette question de la construction des projets et de l'implication des élèves dedans, que ce ne soit pas le projet du prof, hein, mais un projet construit ensemble, me semble quelque chose de très très important. Oui. Eh bien, merci beaucoup et merci pour cet épisode très riche, comme on s'en doutait quand on l'a préparé. Et du coup, nous concluons sur ces mots sur le temps.